la vie de toi, l'étoile dans ma vie cette nuit-là. Suis amoureuse, dites-le sur toutes les ondes. Ma bonne bonne lambare pensier, la bonne yamie. Dans ce cabaret, je m'en souviens de toute la vie. Une étoile est rentrée dans ma vie cette nuit-là. Atei, suis amoureuse, dites-le sur toutes les ondes. Akaka, la bonne année va pour nous, la bonne année au cabaret. Écoutez, me faisait vivre.